Fermez les yeux et imaginez. La nuit est tombée. C'est ici que vous dormirez ce soir. La tente est montée, les hamacs sont tendus. Le feu est allumé. Un autre visage de la forêt apparaît. Les habitants du jour sont allés se coucher quand ceux de la nuit s'éveillent. Chaque son est plus présent. Le vent au loin, le bruissement des feuilles, le ululement du hibou. Le feu crépite et autour de lui vos compagnons de ce soir. Amis de toujours ou rencontres éphémères, le bivouac est un lieu propice aux confidences et aux histoires. Peut-être que l'un d'eux est musicien et que ses notes résonnent au creux de la nuit. Laissez-vous bercer par la lumière des flammes et la respiration de la nature qui vous entoure. Écoutez les récits de voyage de ces gens. Profitez de l'instant présent, de ce moment si unique. Apprenez, inspirez-vous et surtout partagez. Et bienvenue dans Feu de camp. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Feu de camp, le podcast de récits de voyage qui recrée l'ambiance d'un bivouac. Notre voyageuse du mois, Lucille, nous emmène découvrir l'Amazonie, cette énorme jungle tropicale située en Amérique du Sud qui passe par pas moins de 9 pays et qu'on surnomme le poumon de la Terre. Tout le monde a entendu parler de cette région et comment l'évoquer sans aborder l'écologie. Lucille n'a pas été directement confrontée à la déforestation, mais c'est pourtant un problème mondial. La perdre aurait des conséquences dramatiques pour la planète et tous ses habitants, humains, animaux et végétaux. Je ne suis pas très douée en politique, mais j'en profite pour faire un parallèle avec l'actualité française et l'affaire du siècle. 4 associations, Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace et Oxfam France, s'unissent pour attaquer l'État français en justice, pour que les engagements climatiques et environnementaux soient respectés. Honnêtement, je ne sais pas jusqu'où cette pétition peut aller et quel impact elle peut avoir, mais elle a déjà réuni plus d'1 600 000 signatures. Et je trouve que c'est très important de montrer à nos dirigeants que nous voulons cette transition, pour le bien de tous, de la planète et de tous ses habitants, humains, animaux et végétaux. Que ce soit par les manifestations, les pétitions ou autres, tous les moyens sont bons pour exprimer nos opinions. On n'a plus le temps. Lucille a passé plusieurs mois dans la forêt amazonienne. Elle est donc très bien placée pour nous parler de cette région unique. Merci à elle de partager ses souvenirs avec nous, ainsi que les sons qu'elle a enregistrés là-bas. Je lui laisse la parole. Bonne écoute à vous. Donc je m'appelle Lucille, je vis à Paris, j'ai 26 ans, presque 27, j'ai 27 ans. Je suis vidéaste, c'est-à-dire que je réalise des films, des courts-métrages de fiction, documentaires et des films institutionnels pour gagner ma vie. Mes parents n'étaient pas forcément des grands voyageurs. Je me souviens juste qu'on a fait un grand voyage en famille au Mexique quand j'avais 15 ans, avec mes 3 sœurs et mes parents. C'était vraiment fou pour moi. Enfin, je pense pour tous, hein, c'était dingue, c'était hyper exotique. On voyait des temples mayas dans la forêt. C'était vraiment trop beau. Et je pense qu'il y a eu un peu un petit déclic à ce moment-là. Mais mon premier vrai déclic, ça a été à 18 ans quand je suis partie en Inde. Une amie était étudiante dans une école qui organisait une mission humanitaire et ils m'ont demandé de venir faire le reporter de cette mission. Donc je suis partie 3 semaines en Inde avec eux, les accompagner et les filmer. Et ça a été une énorme claque, la découverte de l'Inde. C'était en Inde du Sud, dans le Tamil Nadu, et ça m'a beaucoup marquée. Voilà. Je pense que c'est un peu le moment où j'ai su que j'étais pas prête de m'arrêter de voyager, quoi. Alors l'idée de partir en Amazonie, ça fait un moment que je l'avais, ça faisait bien 2 ans que ça traînait dans ma tête. C'était vraiment... Je crois que j'avais une vision hyper fantastique de la forêt tropicale amazonienne, quoi, un truc un peu magique, en lien avec plein de légendes, de spirituels, de machin, et c'était pas juste une envie d'aller... Bien sûr, il y avait ça, l'envie de se retrouver immergé dans une nature qui me dépasse et vivre ça à fond, quoi. Et il y a eu aussi l'envie de faire un voyage toute seule. J'étais jamais partie toute seule jusque-là, donc j'avais 25 ans, ouais, presque 26. Et voilà, de partir plusieurs mois, enfin d'essayer de l'expérience du voyage tout seul. J'avais rencontré plusieurs personnes qui l'avaient fait, qui m'en avaient parlé avec beaucoup d'enthousiasme. À ce moment-là, j'étais en train de terminer la post-production d'un court-métrage sur lequel je travaillais depuis 2 ans. Donc il y avait aussi une assez grande envie d'échapper et de partir sur un autre projet très rapidement. Et l'envie de partir loin, très loin. Voilà. Et je suis partie très très à l'arrache. Et avec quand même un projet en poche. Mon projet était de faire un petit documentaire sur des voyageurs éternels. Ce que j'appelle des voyageurs éternels, c'est-à-dire des gens qui a priori sont partis pour voyager toute leur vie et ne rentrent jamais chez eux, quoi. Et je me doutais qu'en Amérique du Sud, au gré de mon voyage, j'allais tomber sur des gens comme ça. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. J'ai trouvé des gens assez dingues, comme ça, juste... je sais pas, je dormais dans un endroit, une fille me disait « Ah, mais tu devrais aller dans telle ville, j'ai rencontré un type incroyable, il voyage depuis 25 ans, on va le voir. » Ok, le lendemain, je partais pour cet endroit et j'allais le rencontrer. Donc ça guidait très légèrement mon voyage. Moi, je viens vraiment de l'image, de la photographie, etc., et de la vidéo, mais j'avais de plus en plus envie aussi de faire un projet sonore. Pas uniquement sonore, mais en partie, et donc de partir surtout avec du matériel son. Mais l'idée fixe de ce voyage, c'était entrer en Amazonie et y passer du temps. Donc c'était quand même une traversée pour arriver au cœur de la jungle. Et au fil de cette traversée, faire le plus d'interviews possibles de grands voyageurs. En grande désorganisée que je suis, j'avais absolument pas le temps de m'émouvoir de mon voyage avant de partir, tellement j'étais dans le rush des préparatifs de dernière minute que j'ai dû commencer à préparer 3 jours avant, quoi. Et c'est dans l'avion, effectivement, que j'ai commencé quand même un peu à m'en émouvoir déjà, parce que 3 de mes meilleurs amis m'avaient accompagné à l'aéroport. Il y a toujours un truc un peu coup de blues quand tu les quittes. Et voilà, et dans l'avion, du coup de blues est très vite passé à l'excitation totale des 4 mois qui allaient m'attendre, quoi. Je savais que ça allait être 4 mois de fou. J'ai une capacité d'imagination particulièrement développée et je me suis imaginé tout ce que j'allais vivre pendant ces 4 mois en un trajet en avion. Et non, c'était chouette. J'avais quand même un point de chute en arrivant, ce qui est toujours assez rassurant quand tu débarques seul dans un endroit totalement inconnu, qui était donc l'appart de ma cousine qui habite à Bogota. Je suis restée une semaine chez elle à Bogota au début, histoire de me mettre un peu dans le bain de la Colombie. Et ensuite, je suis partie en solo dans mon premier volontariat. En partant, j'avais quand même cette idée de faire des volontariats, notamment via un site, un concept, je ne sais pas comment appeler ça, que j'ai découvert juste avant de partir, qui s'appelle Workaway. Et en fait, il y a plein de sites qui rassemblent des volontariats dans tous les pays du monde. Via le site, tu contactes les personnes et tu leur demandes si tu peux venir chez eux de telle date à telle date. Et ils te disent oui, généralement. Et donc tu débarques et tu travailles pour eux. Tu sais avant quel travail tu vas faire. Ça reste des horaires de travail vraiment corrects. Hein. Tu travailles rarement plus que 5 heures par jour. Et en échange de l'hébergement gratuitement et souvent du couvert. Et donc voilà, c'est un super moyen d'être en immersion avec les gens, c'est-à-dire t'es pas que tout le temps dans les auberges de jeunesse entre étrangers, t'es chez des gens qui vont te faire découvrir chez eux, quoi. Et moi j'adorais ce concept. Mon premier volontariat, c'était dans une plantation de café artisanale, donc c'était... J'apprenais tous les processus de création du café, d'aller récolter les grains jusqu'à le moudre et le toaster. Et donc ce premier volontariat, je l'ai trouvé à Bogota, pour dire à quel point j'étais préparée depuis Paris. C'est-à-dire que juste à chaque fois dans un endroit, j'essayais de trouver l'endroit où j'allais aller juste après. Mon projet était donc de partir de Bogota pour aller vers l'Amazonie. Je me suis rendu compte un peu au dernier moment que ça n'était pas faisable autrement qu'en avion. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de fleuve, ou en tout cas pas de fleuve praticable en bateau. Et donc à moins de t'enfoncer à pied dans la jungle, il n'y a pas trop de solutions. Donc j'ai un peu organisé mon périple en fonction de comment rentrer dans la jungle au plus tôt depuis Bogota. Premier volontariat dans la région du sud de la Colombie, près de Cali, région des cafés. Ouais, j'ai dû passer une dizaine de jours ici avec deux femmes incroyables qui sont vraiment devenues mes mamans colombiennes, que j'espère vraiment revoir un jour. C'était ma première rencontre en solo. Donc, enfin en solo, parce que c'est la première fois que j'allais chez des gens toute seule, quoi, vraiment. Et elles ont été incroyables. C'était deux sœurs qui géraient la plantation de café familial depuis quelques mois, qui était en faillite. Elles étaient à deux doigts de vendre. Moi, j'étais aussi leur première volontaire avec un autre garçon qui s'appelait Nadji, qui était... C'était un Marseillais qui était déjà là quand je suis arrivée. Enfin, pour elles, ça a été une révélation, en fait. Elles se sont dit, mais oui, il y a des gens qui sont prêts à venir faire ça gratuitement, juste pour l'expérience. Pour elles, c'était complètement fou. Avant, elles avaient 5 travailleurs, mais qu'elles ne pouvaient plus payer, donc ils étaient tous partis. Et depuis un an, je vois sur Facebook défiler des centaines de volontaires dans leur plantation de café. C'est un truc de fou. Genre, vraiment, ça a relancé la plantation. Elles n'ont plus besoin de vendre, quoi. Parce que quand je suis partie, il y avait même quelqu'un qui venait visiter pour acheter. C'était vraiment la fin. Et ça a relancé le truc, quoi. Donc, comme quoi, le volontariat peut quand même vraiment sauver un peu l'économie locale. Et sur ça, c'était trop beau, quoi, de voir que... J'ai trop envie de retourner les voir pour voir ce que c'est devenu depuis. Voilà. Et donc ça, c'était mon premier volontariat. Je suis partie 3 semaines sur une plage en Équateur servir des petits déjeuners dans un hôtel où là, c'était un peu l'auberge espagnole avec des volontaires du monde entier. On était une douzaine... vraiment les pieds dans le sable, c'était le petit paradis sur terre. Mais voilà, au bout de 3 semaines, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que tu fous là, Lucille? T'étais censée partir en Amazonie, je suis en train de me la couler douce dans un hôtel sur la plage, là, n'importe quoi, je me casse. Et donc je suis partie, j'ai traversé l'Équateur vers l'Est pour rejoindre la forêt. Oui, j'avais rencontré un Équadorien qui avait fait une thèse dans une station biologique à l'orée de la jungle équatorienne et qui m'avait vraiment conseillé d'y aller, un endroit qui s'appelle Ratun Sacha, près de Miyawayawasi, donc je ne me souviens plus du nom. Bref, à l'est, quoi. Je suis partie en fait à Banyos avec cinq autres volontaires qui bossaient avec moi. Et ouais, il y avait une Allemande avec qui je me suis particulièrement bien entendu et qui en fait a décidé de rester avec moi pour faire la traversée un peu folle du Rio Napo qui m'avait été fortement déconseillée et j'étais assez rassurée de pas la faire toute seule cette traversée. Donc 4 jours de bateau en bateau, de village en village, on a traversé des endroits complètement malades, très glauques, enfin il y avait un peu tout et n'importe quoi sur ce chemin. Et en même temps, ça a été l'entrée dans la jungle, quoi. Et pour moi, ça a été le moment, je pense, le plus fort de mon voyage. Le moment où tu rentres là-dedans, déjà l'entrée elle dure des jours, et une sensation très très étrange de se sentir vraiment minuscule face à une nature complètement débordante, et tu fais ça dans des tout petits bateaux vraiment qui sont minuscules sur cet énorme fleuve. En fait, moi j'avais des images un peu bucolique de l'Amazonie avec des toutes petites rivières et des pirogues sur des rivières. En fait, l'Amazone, c'est gigantesque. Il y a même des endroits où tu vois pas d'un bout à l'autre l'autre rive tellement c'est grand, quoi. Et donc, de notre bateau, on voyait comme ça de temps en temps des espèces de petites entrées, des petits chemins qui partaient vers des communautés indigènes. Mais avec à chaque fois juste des indices, on voyait voilà, une pirogue accrochée là... une entrée dans les feuillages, quoi, mais sans plus, c'était hyper mystérieux, c'était genre, waouh, il y a des gens qui habitent là, quoi, on est au milieu de nulle part, et il y a des gens qui habitent là, et ça, c'était trop beau, quoi, c'était trop beau, et cette sensation que j'entrais dans quelque chose qui n'en finissait pas, qui n'en finirait jamais, et quand t'es là-dedans, tu te dis, mais la forêt, elle va jamais mourir, c'est pas possible, elle est beaucoup trop grande, quoi, comment nous, petit homme, on peut avoir le moindre... influence sur une forêt aussi gigantesque. On se sent ridicule, ça te remet tellement à ta place, quoi. Et on rejoignait une station biologique qui s'appelle Ratun Sacha, où nous avait donné rendez-vous un ami. On pouvait pas faire plus condensé en introduction à la forêt amazonienne. J'arrivais dans une station biologique avec toutes les espèces les plus hallucinantes. J'ai fait une super grande balade. Ensuite, on a été présenté à un chaman qui nous a dit qu'il prévoyait de nous faire une cérémonie à l'ayahuasca pour le soir même. On lui a dit « Ah bon ? Nous n'avions pas prévu ça ». Et en fait, c'était notre ami commun qui nous avait fait la surprise de nous préparer une cérémonie pour nous introduire à la jungle. Donc, l'ayahuasca, c'est une liane qui pousse dans la forêt tropicale, que le chaman va couper et préparer. C'est une médecine de l'esprit. C'est une plante ancestrale, sacrée, qui permet de créer un lien entre l'homme et l'au-delà, selon les croyances chamaniques. Voilà, nous, on a nos psychologues, ils ont leurs plantes médicinales, et c'est très, très intéressant. Moi, j'ai beaucoup hésité ce soir-là. Je me souviens que j'ai beaucoup tourné en rond. J'ai dû faire une séance de méditation avec Nina pour me calmer. J'étais crevée. J'avais l'impression qu'on me forçait la main. Et je m'étais dit, si un jour j'essaye quelque chose comme ça, aussi puissant, je voudrais l'avoir décidé. Je m'étais dit, jusqu'au dernier moment, de toute façon, si je le sens pas, je la prends pas. Et en fait, le soir, on avait rendez-vous à, je crois, 20h avec le chaman qui nous attendait dans sa cabane. Dès que je l'ai rencontré, cet homme, je me suis sentie hyper à l'aise. Et je me suis dit, ok, c'est le moment. De toute façon, on n'a qu'une vie. Et si c'est pas maintenant, c'est quand? Donc, s'il y a bien un truc intéressant à expérimenter, c'est cette plante. Donc, c'était parti pour ma première cérémonie à l'ayahuasca. Donc, on te tend un petit verre d'une substance aqueuse et verdâtre à boire particulièrement dégueulasse. Tu dois donner une intention à ton voyage introspectif, c'est-à-dire tu poses des questions à la plante. Une, deux, trois questions, mais en tout cas, quelque chose que tu as envie de vivre là pendant ce voyage-là. Moi, c'était mon premier jour dans la jungle, donc mon attention était assez simple. Je voulais me sentir une connexion avec la forêt, me sentir une connexion perdue avec la nature. Il y a tout un rituel de chant, de fumée. Aucun moment la peur a été présente, quoi. Je veux dire, à aucun moment je me suis sentie en danger. Quand tu prends de l'ayahuasca, tu serais particulièrement réceptif à beaucoup de mauvaises choses, et le chaman est là notamment pour t'en protéger, pour que tu fasses un voyage en paix sans être atteinte par toutes ces, voilà, ces mauvaises choses autour de toi. Et ça a duré, je pense, 4 heures, mais alors le temps, je l'ai pas du tout vu passer. Et le chaman, c'était comme cette présence à côté de moi que je sentais, comme un grand-père qui vérifiait que tout se passerait bien, et je me suis sentie en totale confiance avec lui. On dit aussi que quand tu prends de l'ayahuasca avec un chaman, tu vas créer un lien avec lui très dur à rompre après, donc il faut pas vraiment, vraiment pas le faire avec n'importe qui. Et donc pendant tout mon trip, je regardais la forêt, et je voyais tout ce qui s'y passait. Enfin, j'ai vu des tonnes de choses se passer dans la forêt. C'était clairement des hallucinations, hein, beaucoup de visages indigènes, beaucoup de danses, beaucoup d'animaux, de choses que j'apparentais à des esprits de la forêt. C'est très difficile à décrire, mais en tout cas, j'ai pensé à tous ces films que j'avais pu voir qui décrivent les tripes hallucinogènes des personnages. On se dit, ah ouais, c'est complètement ça en fait. Tout ce que tu peux voir, ça défile souvent très rapidement. Je voyais énormément de couleurs, c'était très très joyeux comme voyage. Et je me sentais bien, je me sentais en confiance totale. Ton corps est souvent a tendance à vomir la plante au bout d'une heure, ce qui est bien, paraît-il, parce que ça te nettoie. En fait, toi, tu oublies complètement ton enveloppe corporelle, ton corps, il est par terre, il vomit, mais ça semble horrible comme ça, mais pas du tout. En fait, tu t'en fiches parce que tu es parti très très loin, ton esprit, il est vraiment ailleurs. Et voilà, moi c'était une introduction à la forêt. J'avais l'impression que la forêt m'offrait un spectacle de bienvenue en me disant n'aie pas peur. Et à partir de ce jour, je me suis toujours sentie chez moi dans la forêt. Et donc on a fini par arriver à Iquitos, une immense ville au Pérou, la plus grande ville au monde qui n'est pas accessible par la route. Donc on peut y accéder qu'en bateau ou en avion. C'est une ville complètement malade, c'est super grand. Quand je dis malade, vraiment dans le mauvais sens du terme, quoi. Elle respire pas la santé, cette ville. Une fois que t'es dedans, t'oublies complètement que t'es dans la forêt. C'est grand, c'est hyper pollué, parce que tout n'est que moto et moto-taxi. C'est hyper chaotique. Quand je suis arrivée là-dedans, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait, je devais attendre pendant 5 jours toute seule dans cette ville. Que parte un bateau qui m'amènerait dans mon troisième volontariat, qui était accessible que par un petit bateau qui ne partait que le lundi. Je suis partie dans un centre autosuffisant, un écologe en construction, où je suis restée 3 semaines. Donc c'était également un volontariat avec d'autres volontaires d'un peu partout qui venaient faire de la de la bioconstruction et de la permaculture. Honnêtement, c'était surtout pour moi d'avoir une première expérience en immersion totale dans la jungle pendant plusieurs semaines, en étant minimum encadré, quoi. En n'étant pas en solo n'importe où. Et c'était vraiment idéal parce que du coup, on était libre, on travaillait 4 heures le matin, après on faisait ce qu'on voulait de nos journées. On pouvait se balader dans la forêt, aller sur le fleuve, lire son hamac. C'était l'endroit où il y avait le plus de moustiques au monde. Donc c'était un peu compliqué de se prélasser, on va dire. C'était passionnant. D'ailleurs, il y a un truc un peu marrant quand tu marches dans la jungle, j'ai remarqué. T'es accaparé par tout et n'importe quoi, je veux dire, toute feuille, toute plante, tout animal te semble incroyable parce que c'est des choses que t'as pas l'habitude de voir. Les feuilles, elles font ta taille, si ce n'est plus, tout est version king size, t'as toujours envie de t'arrêter devant des choses et d'en profiter et de les regarder extasiées, te dire « waouh ». Una vez que me acerco se para. ¿Y tienes un dron también? No, quería, pero no. Et en fait, ce qui est drôle dans la jungle, c'est que tu ne peux jamais faire ça. Déjà, tu peux pas marcher avec la tête en l'air, parce que le sol n'est que racines. Donc si tu regardes pas tes pieds quand tu marches, tu te casses la gueule. Et tu ne peux pas t'arrêter parce que dès que tu t'arrêtes, t'as des moustiques qui viennent se poser sur toi. Les moustiques, ils te laissent tranquille que quand t'es en mouvement, quoi. Que quand il y a un peu de vent qui te passe sur la peau. J'ai fini par me dire, finalement, les moustiques, l'ennemi numéro un de mon voyage, et de tout visiteur de la jungle, bah, je pense qu'ils ont finalement ce truc-là un peu... cette utilité-là, si on peut leur trouver une utilité, de préserver la jungle de l'homme. Parce que les Occidentaux vivront jamais là-dedans, quoi. C'est invivable d'avoir des centaines de moustiques qui se posent sur toi tous les jours. Il faut avoir grandi là pour le supporter, je pense. Tu t'habitues à tout. Alors, tu t'habitues jamais vraiment aux moustiques. Mais vraiment, s'il y a un truc que j'aurais retenu de ce voyage, c'est on s'habitue à tout. Absolument tout. Alors, dans ce centre, les moustiques, les cafards qui font la taille de ta main, voire plus... Les araignées qui font beaucoup plus que la taille de ta main, les serpents que tu croises dans la cuisine, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui, comme ça, t'en parles depuis Paris, tu te dis mais je vais vivre dans tout ça, moi, avec des cafards dans mon lit, des araignées en dessous. En fait, vraiment, c'est pas ta priorité, quoi. Quand t'es dans des trucs comme ça, ça devient ton quotidien. Au bout de 3 semaines, tous ces trucs-là, c'était complètement mon quotidien. Et tu t'en fous. Tu t'en fous, tu vas te coucher, tu secoues ton lit pour faire tomber les cafards king size, et tu te couches, quoi. Et c'est tout. Et non, et quand je dis j'avais d'autres préoccupations, c'est que j'ai été confrontée là-bas à des expériences, du moins des sensations visuelles et sonores de l'ordre du surnaturel, de l'inexplicable, qu'on appellerait les esprits. Je me suis rendu compte que toute personne qui vivait dans la jungle croyait aux esprits. C'est dire qu'on n'y croit pas, c'est comme dire la terre est plate. Ça n'existe pas de ne pas y croire quand tu vis là-bas. C'est la norme absolue. Il y a des esprits, il y a des bons esprits, il y a des mauvais esprits. Il y a plein de choses qui vivent autour de toi que tu ne peux pas comprendre, qui ne sont pas concrètes, mais qui sont là. Et pour moi, esprit fort sceptique, qui a tendance à croire en très très peu de choses. J'ai été bien bien ébranlée pendant mes semaines dans cet écolodge. Des visions, des sons, beaucoup de sons, notamment voilà, par exemple des sons de musique tribale qui flottaient autour de nous pendant la nuit. Et quand je dis un son flottant, c'est vraiment... c'est absolument pas réaliste. Un son vient de quelque part. Alors oui, il peut flotter avec le vent, mais il vient forcément de quelque part. Et quand tu es au cœur de la jungle et qu'il n'y a personne à des kilomètres alentour, il y avait une communauté à 20 minutes de marche, mais qu'on connaissait très bien, qui étaient les travailleurs qui venaient là tous les jours et qui n'avaient pas d'instrument de musique. Donc voilà, ça ne pouvait venir que de nulle part. Ou d'autres temps. Enfin voilà, tout ça pour dire que j'ai... Ce qui m'a le plus frappé là-bas, dans tout ce que j'ai connu, dans toutes les bestioles, dans toute la découverte de la nature, des gens incroyables sur place, de la communauté aussi. J'ai beaucoup été dans la communauté parce que là-bas, je tournais un petit film pour le centre. Et pour tourner un film pour le centre, il faut charger ses batteries. Or, il n'y avait pas d'électricité dans notre centre. Donc, je faisais tous les jours 20 minutes de marche pour aller dans la communauté qui, par chance, avait de l'électricité chez eux depuis 2 mois. Et donc, à chaque fois, je m'installais dans une maison pour brancher mes batteries, brancher mon ordinateur pour monter le truc. Et je m'amusais avec tous les enfants qui venaient voir les images éberluées. C'était trop sympa, ce moment-là. Enfin, tout ça, c'était des moments très forts. Mais voilà, moi, ce qui m'a le plus marqué à vie, je pense, c'est ces expériences un peu surnaturelles que je ne pouvais pas expliquer et que pourtant j'ai vu, entendu et vécu. J'avais rencontré en fait dans le centre un Argentin avec qui je me suis très bien entendue, qui lui partait rencontrer The Shaman, quelqu'un dont il avait entendu parler par un ami qui avait passé plusieurs mois avec ce Shaman, qui avait un très vieil homme de 92 ans, qui vivait dans une communauté indigène pas si loin de là où on était, et il avait décidé de partir à sa recherche. Et je l'ai accompagné. On finit par tomber sur la famille du chaman qui nous annonce qu'il est mort il y a un mois. Donc on tombe sur son petit-fils très sympa, qui vivait avec ses petites filles à lui, et au bord du fleuve, un petit endroit aussi vraiment magique. On passe la nuit là, il nous propose de faire une cérémonie avec lui, qu'on fait, presque par politesse, et très décevante. On finit par revenir à la ville. Iquitos, ex-ville du caoutchouc, est devenue aujourd'hui la ville de l'ayahuasca. La ville de l'industrie de l'ayahuasca dans le pire sens du terme. J'ai vraiment découvert ça en arrivant là-bas. J'arrive dans cette ville où tu vois comme ça dans tous les restaurants des tableaux, des visions que t'as, des types de visions que t'as quand tu prends la plante. Dans les menus des restaurants, t'as des régimes ayahuasca, parce que t'es censé faire des régimes avant d'en prendre, en disant t'as pas le droit de manger ça, t'as pas le droit de manger ça, t'as pas le droit de manger ça. Des espèces de sorciers marabouts dans les rues qui t'arrêtent et qui te disent « T'as déjà fait ta cérémonie, tu veux la faire avec moi ?» C'est un délire total. Et la ville en est devenue un peu scandaleuse à ce niveau-là. Il y a une espèce de culture de l'ayahuasca, mais alors plus du tout comme une plante sacrée, mais comme une drogue à expérimenter. Y a des voyageurs qui viennent de partout dans le monde juste pour ça. Ils n'ont souvent pas le temps de faire autre chose. Et qui vont payer 2 000 $ la semaine. Tout chaman qui fait payer une fortune est forcément un charlatan. N'y allez pas. Complètement possible de trouver 1000 manières d'être avec des gens bienveillants, mais ça vaut la peine de prendre le temps de savoir où on se trouve et d'avoir des conseils. Avec ce chaman qu'on nous avait conseillé, donc le troisième que je voyais, j'ai fait 2 cérémonies d'affilée avec Juan. Mais là, je crois aussi que je suis allée un peu trop loin. Donc, je suis arrivée à 4 cérémonies. Et y a un truc aussi que j'ai appris pendant ce voyage, c'est qu'il ne faut pas forcer le destin. Et c'est comme si pendant cette recherche des 3 chamans, là, après, tous les signaux autour de moi m'indiquaient « n'y va pas » et je forçais la porte, quoi. Et voilà. Bon, bah, du coup, pas d'effet. J'ai plus de vision après, j'ai plus grand-chose. Et je me suis dit « ok, j'arrête là ». Et donc, après ça, je suis partie pour le Brésil, pour faire mon 4e volontariat. Et c'était incroyable. Heureusement que j'avais le temps et la possibilité d'y aller. J'étais dans un écolodge, pour le coup, luxueux. Et le taf était d'être traductrice de guides locaux, de l'espagnol à l'anglais. Donc d'accompagner des touristes en trek dans la jungle et traduire ce que leur disait le guide. Donc je faisais plein de treks dans la jungle gratuitement. J'étais hébergée dans un super écolodge. Logée, nourrie, même le voyage allait payer pour venir. Et là, je suis restée 1 mois entier. C'était trop bien parce que je faisais tout ce que faisaient ces touristes, tout frais payé, et surtout en immersion totale, parce que je vivais avec la communauté brésilienne qui était là, j'apprenais le portugais, et c'était super sympa. C'était vraiment super sympa. Le contact avec la communauté était beaucoup plus difficile, non pas uniquement pour la langue portugaise, mais une culture aussi assez différente. C'était vraiment un mois beaucoup plus tranquille et beaucoup plus... et vraiment magique, quoi. C'est un endroit magnifique. Pour quiconque a les moyens d'y aller, je conseille 1000 fois la réserve Palmarie. Oiseau très aigu. C'est c'était mon dernier volontariat, suite à quoi je suis rentrée à Bogota, d'où j'ai pris mon avion pour Paris. Parce que je devais rentrer pour le mariage d'une amie dont j'étais témoin, donc il fallait pas que je sois en retard. Sinon je serais bien restée un petit peu plus. J'ai vraiment eu la sensation que quelqu'un avait tissé un fil narratif pour moi, que j'étais le personnage de ma propre fiction et que toute étape m'amenait à la suivante avec logique, quoi, avec sens, avec continuité. C'est peut-être parce que moi-même j'écris des fictions, je suis un peu obsédée par la structure narrative, mais... Ah ouais, c'est quand même fou, j'ai eu cette conversation-là avec cette personne, et là je me retrouve exactement là-dedans, juste après. Chaque rencontre me poussait un petit peu plus vers quelque chose vers quoi il fallait que j'aille, ou vers quoi je sentais que c'était le moment d'aller. J'ai beaucoup parlé d'expériences fortes, que ce soit au niveau spirituel ou culturel, mais pour moi ce qui reste le plus fort dans un voyage, ce qui restera toujours le plus fort, et ce dont je me souviendrai en premier, c'est évidemment les rencontres. Voilà, en commençant mon voyage en solo, au début, j'étais forcément un peu apeurée, quoi. J'étais l'aventurière sans peur, mais quand je me suis retrouvée dans mon bus toute seule avec mon sac à dos à partir dans l'inconnu total, je faisais moins la fière, quoi. J'étais un peu tremblante, quoi. Et que je me souviens de cet état de peur de l'inconnu dans mon premier bus en solo et l'état dans lequel j'ai été le reste du voyage, mais radicalement différent, quoi. Après, j'en avais mais plus rien à foutre. J'ai jamais eu peur de me faire agresser ou quoi que ce soit. J'étais comme un poisson dans l'eau. En fait, tu te rends compte que tu t'habitues aussi hyper vite à ton statut de voyageur solo, quoi. Ou voyageuse solo. Et ça devient ton quotidien, ça devient ton naturel, et ta peur de l'inconnu s'en va, puisque c'est plus l'inconnu. Ça, c'est la partie positive, et la partie négative, c'est s'habituer à être émerveillé. Et ça, c'est dommage, parce que tu t'émerveilles beaucoup plus les premières semaines que les dernières, et c'est quelque chose à préserver aussi. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis dit, à la fin des 4 mois, il est temps pour moi de rentrer. J'avais cette petite tonalité blasée qui commençait à pointer, d'être quand même beaucoup moins émerveillée par cette réserve incroyable dans laquelle je vivais, en disant, bah oui, j'en ai déjà vu beaucoup, en fait. Et le retour te sera mieux repartir, quoi, à mieux retrouver la source d'émerveillement. Et puis peut-être que tu fatigues un petit peu aussi. Peut-être qu'il y a un moment où tu te dis, ah, quand même, mes amis, la maison, mes parents. Et c'est drôle aussi d'ailleurs le rapport à tes proches qui sont dans ton pays quand t'es loin. On aurait tendance à penser qu'ils vont te manquer de plus en plus. Et il y a ce truc assez inverse de... Bah, les premiers jours, j'avais vraiment le blues. Je me disais, oh, je vais pas les voir pendant longtemps. Ça va être dur, mes amis quand même, avec qui je passe toutes mes journées à Paris. Tout ce temps-là sans eux. Et en fait, dès que t'es plongé dans l'aventure, c'est pas qu'ils te manquent pas, mais c'est que t'arrêtes d'y penser, quoi. Et tu seras toujours content et ému de les avoir au téléphone, par Skype ou WhatsApp ou autre chose. Je change, j'ai l'impression que la jungle... m'aide beaucoup. Il y a vraiment un truc complètement ouf. Et ça développe, en fait, tes sens. Comment dire ? Ah, j'arrive pas trop à expliquer ça, vraiment. Mais enfin, je sens que j'ai vraiment développé une sensibilité à des toutes petites choses de la nature que j'avais pas avant. Et c'est hyper chouette. J'ai tendance à garder très très peu de liens de toute façon avec mes proches quand je suis en voyage. J'aime bien, justement, je crois que c'est... Enfin, pour moi, c'est important de couper le cordon complètement, quoi. Le retour, c'est un peu ce que tout voyageur longue durée redoute. C'est toujours un moment un peu difficile, ça c'est sûr, surtout quand tu passes de choses si radicales que la forêt amazonienne à Paris. Et je me suis un peu plongée dans le travail quand je suis rentrée. J'ai eu de la chance, grâce à un ami, d'avoir tout de suite du boulot. Et donc, j'ai pas trop eu le temps d'y penser, quoi. Voilà, un peu comme j'avais foncé tête baissée dans mon voyage, je voulais foncer tête baissée dans mon retour. Il y a toujours ce truc hyper agréable, les premières semaines. J'adore ce moment, quand tu rentres d'un long voyage, où t'as l'impression d'être un extraterrestre chez toi. Tu vois tout avec une distance énorme. Tu sais que cette vision distante va être... très vite s'estomper avec le temps et que tu vas redevenir toi-même à plus voir les choses différemment. Mais le moment où tu sens ton regard, tu te sens très loin de tout ça. Mes amis se sont bien foutus de ma gueule, mais comme souvent, les quelques semaines post-retour où je planais un peu, quoi, j'étais un peu encore dans mon monde. J'avais vraiment l'impression d'être en voyage dans ma propre ville après. Et après, malheureusement, ça part, bien sûr. Et donc, étonnamment, j'ai pas eu de blues post-retour. J'en étais la première surprise. Le syndrome du voyageur éternel n'est jamais très loin, quoi. Quand t'es parti vivre des trucs aussi loin de toi, c'est difficile de se remettre dans un quotidien. Quotidien, le mot routine est le mot qui me fait le plus peur au monde. J'ai toujours eu très très peur de la stabilité, de l'installation, tout ça. Et donc, en fait, je sais que le voyage fera toujours partie de ma vie. Je sais que j'ai presque envie de dire que je vis pour ça, pour repartir, que je rentre pour repartir. Mais c'est pas vrai. Parce que je crois que ce qui est bien aussi dans le voyage, c'est de ne pas faire que ça. C'est important. Et je pense que c'était aussi pour ça que moi, le sujet de mon documentaire, c'était les voyageurs éternels, ceux qui ne revenaient jamais. C'est un peu ce vers quoi j'allais doucement. Une vie nomade, ça m'attirait beaucoup dans l'idée. Et en fait, je sais que j'en suis a priori incapable d'être toujours en mouvement. Mais l'idée de pouvoir me remettre en mouvement à tout instant me rassure énormément. Et je sais que je continuerai à voyager toute ma vie, ça c'est sûr. Merci à Lucille d'avoir pris le temps de partager tous ses souvenirs avec nous. Pour compléter ses propos, elle nous recommande deux films qui parlent de la forêt. Tout d'abord, L'étreinte du serpent, un film de Ciro Guerra qui adopte le point de vue d'un chaman, dernier survivant de son peuple. Le film parle de deux voyages qu'il fait à 40 ans d'intervalle à la recherche d'une plante sacrée qui apprend à rêver. Je ne l'ai pas encore vu, mais Lucille l'a trouvé magnifique, très intelligent et passionnant sur la néocolonisation sous toutes ses formes et les rapports entre culture et croyance. À noter que ce film a été nommé aux Oscars en 2015 pour le meilleur film étranger et que c'est d'ailleurs le premier film de fiction tourné en Amazonie depuis plus de 30 ans. Le deuxième film qu'elle vous recommande est The Lost City of Z de James Gray. Très différent du premier, mais qui l'a vraiment conforté dans son choix de partir en Amazonie quelques mois après. C'est l'histoire d'un scientifique qui part en quête d'une culture ancestrale. Ce film est selon elle un rêve pour tous les aventuriers en puissance. Encore merci à Lucille pour ses recommandations et pour le bel épisode qu'elle nous a offert. Si vous appréciez Feu de camp, n'hésitez pas à en parler autour de vous, conviez d'autres personnes autour du feu. Vous pouvez aussi le soutenir via les réseaux sociaux Instagram et Facebook, et par iTunes. J'en profite pour vous souhaiter également de belles fêtes, même si oui, Noël est déjà passé. On se retrouve en 2019 pour de nouveaux feux de camp, de belles rencontres et du partage. À bientôt pour un nouveau feu de camp.